peu comme si j'avais vu Vénus sur les bords du Yangtze, comme aux rives de la Seine. Si l'on parle dans une autre langue, on comprend ce qui vous aime. Tout au bord trois coups d'aile, soudain, c'est le bout du monde. Voici la Chine éternelle qui jaillit de l'ombre sur les bancs. Tout au bord du fleuve rouge, comme dans notre Lorraine, on voit des lèvres qui bougent, mais on les comprend quand même. Sur les bords du Yangtze Kiang, comme aux rives de la Seine, si l'on notre langue, on comprend ce qui vous aime. Un jour, je reviendrai, bientôt, je reviendrai, et ce jour-là, je t'aime.